Rouyn-Noranda. Totalement. Rouyn-Noranda représente. Très content d'être ici avec vous, les amis. Je suis très bien flanqué. En fait, oui, mon nom, c'est Tommy Godette, animateur de radio bénévole depuis tellement d'années. Dans le temps, il n'y avait pas de téléphone intelligent quand on a commencé, Bruno. Hey, non. Oui, vous reconnaissez Bruno Corbin, mon fidèle acolyte à 70%. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste dire que Roxane, tu as oublié ta bouteille de coke. Il y a ton nom dessus. Et voilà, c'est dit, il y a la bouteille de coke de Roxane. Je vais sûrement la boire parce que j'ai parlé du fait que j'avais besoin de caféine pour faire le show. Et voilà, alors c'est donc de la pré-réappropriation. On laisse quoi, 5 minutes? On laisse 5 minutes à Roxane pour venir chercher sa bouteille de coke. Voilà. La voix que vous entendez, c'est Élise Laflamme-Méon. Salut, Élise. Salut. Comme en remplacement pour nos autres bénévoles, il faut dire que 70%, c'est le show de douteux.org et on a une très grande communauté. C'est pour ça qu'on est content d'avoir Élise qui va flanquer pour l'instant à la place de Fred Fournier. Et puis, ben, on a Jean-Patrick Berthiaume qui, lui, flanque à la place de Andy Jacques qui va être le plus tard. Oui, il marche. Oui, oui, c'est juste c'est toi moi qui m'entends pas. C'est ça. Ouais. C'est toi qui as besoin de trop d'attention. T'es pessimiste. Ah. Non, c'est mes écouteurs qui t'es pessimiste. Et puis d'ailleurs, il y a comme plein d'amis autour. Je suis vraiment content d'être à Rouyn-Noranda. Je le mentionne souvent, c'est la plus belle ville au monde, mais l'été seulement. On est en train de le vivre présentement. 70%, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Qu'est-ce qui se passe? J'entends. Rien. Ben oui. Hein? OK, c'est la porte là-bas qui est sapristi qu'il y a du monde dehors. Je suis vraiment content. Ça pogne comme plus que l'année passée, puis plus que l'année d'avant, et ainsi de suite. Ouais, c'est comme les saucisses high grade, là. Plus qu'il y en a, plus que le monde en jette. Plus qu'on en mange, plus qu'elles sont fraîches. Et plus qu'elles sont fraîches, et plus qu'elles sont dans mon estomac. Et plus qu'elles entrent dans mon estomac, moins j'ai de papier toilette. Et c'est bien dit, Bruno. Et d'ailleurs, le FME est très, très frais. Vous êtes en train d'écouter CFME 91.9. Et c'est notre première de 4 émissions en 4 soirs différents. On est très content d'être revenu d'un petit peu partout au Québec. Toi, Bruno, tu viens de Sherbrooke. Oui. Oui, on en a qui... Presti que ça brasse dehors. Bon, on va s'y habituer. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est très vivant à la radio. Venez faire un tour. Vous allez voir Élise et Kyoto aussi. Ça nous amène à ce 70%. Là, on est là pour 4 jours de suite. De quoi qu'on va parler? Qu'est-ce qui va être question? Pourquoi qu'on est là? Bruno, as-tu une approche de ça, toi? Oui, en fait, j'avais pas encore d'idée de ce que j'allais faire en venant ici. Puis je me suis dit, Bruno, tu cherches toujours l'amour. Peut-être aller le chercher à Rouyn-Noranda. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que je like toutes les filles sur Tinder. Et les filles, si vous me likez sur Tinder, message garanti et même peut-être que je lirai vos réponses à la radio. À la radio. Vous allez peut-être avoir droit à une date, on sait jamais. Ah, peut-être aussi parce que ça me tente pas tant que ça de dormir avec Jean-Patrick tous les soirs. Effectivement. Ouais. Effectivement, Jean-Patrick, il souhaite une date à Bruno. Oui, oui, oui. Tinder, servez-le, s'il vous plaît. Et puis sinon, ben en fait, ça résume assez bien, surprenamment, ça résume assez bien ce que c'est douteux.org et 70%. 70%, on a nommé ça parce qu'on pense que c'est un petit peu comme l'équation de l'humanité. On avance à 7 sur 10. Hein? Tu sais, il y a 7 pas vers l'avant et 3 vers l'arrière. Et tranquillement, pas vite, on va finir par se rendre où il faut qu'on se rende. Et cela étant dit, j'ai aucune idée de c'est quoi cette place-là. Et nous, ben, notre expérience, c'est d'essayer d'humaniser, de venir vous parler de quoi que ce soit et d'autres choses en étant souvent le moins préparé et le plus sincère possible. Moi, en fait, l'année passée, tout le monde se souvient des faits que j'avais racontés par rapport à Rouyn-Noranda. C'était magique, ça. Une grande ville mystérieuse. Le fait que j'avais raconté, que je me souviens le plus, c'était que de faire de la raquette, dans le fond, c'est plate. Et ça, c'est un... Et voilà, peut-être que je vais avoir d'autres affaires qui vont ressembler à ça dans le futur. Je sais que j'ai très envie de vous parler de Gaston, l'homme qui parlait à l'oreille des castors, quelqu'un de merveilleux. Un gars de la région qui est très méconnu. Et puis, ben, ça m'amène à peut-être parler, toi, Jean-Patrick, de quoi tu vas nous abreuver? Ben, écoute, comme toujours de politique, étant donné que j'avais jadis une émission qui s'appelait La Sainte Cassette sur Douteux à la télévision. Oui. Maintenant, ben, je vais faire la Sainte Cassette audio, donc ça va être le titre de ma chronique, la Sainte Cassette audio. Et voilà, c'est dit. Puis sinon, ben, on a 4 soirs, fait que... Ouais, puis j'ai du matériel, il faut pas s'inquiéter. Toi, Élise... Moi, dans le fond, je viens faire un beau petit tour ici pour triper un peu comme l'année passée, parce que l'année passée, c'était ma première fois au FME, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Il y a une belle ambiance ici, il y a vraiment du beau monde aussi, c'est super le fun. Puis je vais essayer de ramasser un petit peu de contact pour nous amener des beaux invités à 70% le lundi au Brouhaha. Fait que t'es venu ici avec un motif ultérieur. Entre autres. Puis boire de l'alcool aussi un peu. Oui, le monde. J'ai le droit d'avouer mes villes. Ah non, mais tu peux. On est entre nous autres, Jean-Patrick. Moi, je suis un petit peu undercover. Moi, je suis un petit peu undercover. C'est parce que je suis également l'agent officiel du Parti Rhinocéros. Oui, je suis ici pour trouver mon candidat. Parce qu'on n'a toujours pas de candidat à Rouyn-Noranda. Et moi, c'est quand même une ville progressiste à fond. Exactement. C'est le Portland du Québec. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ça, au festival ici de musique émergente, je peux pas croire que je trouverais pas quelqu'un d'assez fou pour se présenter. Alors, je te présenterai Gibbs. Moi, je pense qu'il y aurait peut-être un potentiel avec ça. Ça va faire partie d'une de mes chroniques de demain ou après-demain. Là. Et voilà. Dépendamment, t'en es rendu où dans le recrutement. C'est bon, ça. Roxane, je commence ton coke en passant. Et sinon, on va être rejoint par Andy Jacques, on l'a mentionné au début. Il y a deux folles et un banjo qui devraient venir. Et il y a un petit gars de la place, un de mes meilleurs amis à vie, un certain Sylvain Xmas Noël. Lui, en fait, son band, c'est Gilles et Nicole. Et il a fait une des chansons les plus touchantes qui a jamais été produite en Abitibi-Témiscamingue et sur la terre qui est autour. Et à ce moment-ci, ça me fait plaisir de débuter ce premier 70% avec Champion. Puis ça, c'est une version comme inédite qui nous vient de jadis. C'est Sylvain Noël au complet. On part ça. Je peux rester comme ça, des heures, à scruter l'horizon, en attendant que tu me rapportes de cette fameuse balle. Et j'attends toujours, champion. Oh oui, je t'attends toujours. Et puis je te donne un cookie. Je t'aime, champion. Je m'ennuie. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. On a de la grosse nouvelle aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais noter que le style d'explosion. Sylvain Noël a d'ailleurs un nouveau chien qui s'appelle Pistache. Oui. Donc, on attend impatiemment la chanson Pistache. Ah, puis il est comme beige, fait que ça se tache bien, fait qu'il y a un potentiel de rime. Ouais. Puis on le sait qu'il va mourir avant Sylvain, probablement, fait que comme ça, il va pouvoir nous faire une toune, tu sais. Ben, on le souhaite. Moi, je veux garder un maximum de Xmas pas loin de moi pendant le plus longtemps possible. Ouais. En fait, on avait le thème, parce que d'habitude, toi, Bruno, tu nous amènes des nouvelles, des faits de la vie. T'es comme celui qui nous grounde. Trop de job. C'était trop de job pour la Et voilà, pour le FME. Mais quatre soirs d'affilée, quatre heures et tout. Là, t'es plus en train de, mettons, dernière nouvelle, Roxane doit se trouver un autre coke. Ouais, effectivement, Roxane, écoute, j'ai presque fini ton coke. Donc, si tu avais une maladie vénérienne de la bouche, maintenant je l'ai. Et je suis sur Tinder, si jamais tu me cherches. Donc, on a la même maladie. Comme voilà. Ça sera pas perdu. Exactement. Tout se partage. J'ai décidé que je cherchais l'amour. Et puis, je suis allé me promener sur Tinder. En fait, j'ai un peu décidé ça dans le char, là. Que j'allais juste liker toutes les filles puis partir des conversations, tu sais, je fais pas de discrimination là, vraiment l'idée c'est je veux vivre des moments avec vous mesdames. Donc là, je vous présente tout de suite, écoute, tous les noms finissent en I, alors je vais les appeler I. Alors je vous présente I. C'est une fille qui est enjouée, simple et qui aime voyager. Donc, hey, man, ça... Donc, c'est sa description de laquelle elle est partie. Donc, tu sais, moi, je fais comme, bon, ben, de quoi je lui parle, tu sais? Ben oui. Est-ce que je lui parle du concept de la simplicité ou est-ce que je lui parle des voyages ou, tu sais? Fait que j'ai décidé d'y aller un petit peu à large. T'aurais pu répondre genre, comme ça, t'es simple. Oui, c'est ça. Fait que je suis allé tout de suite d'une offensive avec un salut salut I. Ah non, vous avez entendu là, le début de son nom. Ben, c'est pas grave. Salut I. Je recherche l'attention. J'aurais besoin de savoir à quel niveau tu es enjoué, simple et aime voyager respectivement, mettons sur une échelle de 1 à 10. Je fais une enquête sur la corrélation entre ces trois concepts et tu es tombé exactement au bon moment. Wow. Alors, il me répond, tu parles d'un addon, toi, mais cherches-tu vraiment l'attention? Je dis, ouais. Alors je lui réponds, oui, je suis pas ici pour trouver l'amour, juste me faire valider dans mon existence. Et j'ajoute, ça me prendrait tes réponses, par contre. Parce que, tu sais, on n'est pas là pour niaiser, là. On ben est là ben pour, non, ben, Chris, on fait un show sérieux. Pour avoir une chronique. On est live à 70%. Non, mais ouais. C'est parce qu'il faut qu'il trouve une place à coucher à soir. Hein. Voilà, exactement. Donc, elle me répond, elle commence par un commentaire vague sur mon existence, parce que j'ai parlé de faire valider mon existence. Puis après ça, elle enchaîne avec les réponses, finalement. Je dirais 11 sur 10 partout. Humblement. Donc, je dis... Donc, une donnée impossible partout. C'est pas simple comme réponse. Ouais, non, exactement. Puis là, je lui demande si ça peut varier, s'il y a des jours où est-ce qu'il y a plus à 8, d'autres jours plus à 12, d'autres jours plus kiwi, tu sais. Donc, elle me dit que ça se pourrait bien. Puis elle me demande ensuite si j'ai assez d'attention rouyn-norandienne. Alors, je lui réponds très respectueusement. Oui, ça dérougit pas. Je commence à trouver ça un peu rushant. Pas juste sur Tinder, en plus. Là, tantôt, j'étais avec des enfants, puis ils arrêtaient pas de me parler. C'était vraiment plate comme conversation. En plus, les sujets étaient inintéressants. On salue Romain et Ulysse, d'ailleurs. Les blagues étaient pas drôles. Les odeurs douteuses. Vraiment des êtres humains très étranges. J'imagine que c'est une affaire d'éducation. Là. Donc, oui, les enfants sont vraiment après moi, là, jusqu'à date. T'es con. Ben, pas littéralement, là. Je suis pas entouré d'enfants qui font des choses pas propres, à part des affaires d'enfants comme pitcher ses excréments, là. Ou c'est les singes, ça? Je pense que c'est plus les singes traditionnellement, mais on n'enlèvera pas au bébé le pouvoir. Non, mais j'en connais, là, qui les élèvent comme ça. Ouais, bon. Donc là, elle me dit que... Elle me répond que je suis fou à trois reprises, mais d'après moi, ça doit être un bug de Tinder. Ben, d'après moi, c'est plus tu l'as vraiment. Ça va bien avec ça. Ah, ça va bien, ouais. Peut-être. Ouais. Et puis, qu'elle me dit qu'il y a trop d'informations, qu'elle n'est pas capable de me répondre, puis elle me demande j'étais où pour être entouré d'enfants. Et puis là, le show a commencé. Et voilà. On s'en va tout de suite voir. Ta deuxième. On s'en va tout de suite voir Mélanie. T'en as combien? Elle s'appelle I, elle aussi. 15? Oui. Pour aujourd'hui, j'en ai juste deux. OK, puis ça écoute, je vais essayer. Si on là. Avait comme plus, on aurait pu diluer au fil du show, mais ça ouais, me va de faire les deux là d'un coup. Là, on est aussi, ce qui est très important de savoir, là, c'est que là, aujourd'hui, j'ai été gentil, là, mais là, demain, s'il commence à en avoir trop, je vais commencer à essayer de faire comme des battues, là, pour éliminer les moins bonnes. Un là. Coup près un petit peu incisif ouais, pour ta première réponse. C'est ça. Ouais. Donc, elle est partie tout de suite, là, elle m'a vu apparaître, là, clac, hein, tout de suite, tiens, un touriste, ça va? Viande exotique. Voilà, donc tout de suite, elle fait, bon, pour mon cousin. Ça va? C'est des histoires. Ah. Donc, je lui réponds, effectivement, ma maison est située dans une contrée lointaine, remplie de lumière et de jeunes cools, comme Rouen pendant le FME, finalement. Je viens pas ici pour être dépaysé, mais pour vivre un moment montréalais, loin de Montréal. Excuse-moi. Et là, j'ajoute, excuse-moi, j'imagine que tu te fais toujours demander ça, mais est-ce que t'es mineur? Je pense, cela dit, pas de joke, c'est une question importante à poser quand oui. tu ben commences oui. à Rouen, à mineur, interagir. Faut que tu le saches tout de suite. Une joke de mineur en dessous de la terre. Lui, non, mais sur Tinder, moi, je conseille ça à tout le monde, là, objectivement. Ouais. Faites sûr que vous n'allez pas vous... Dans la vie en général aussi. Mais t'aurais pu lui demander aussi, t'es-tu un homme? Mais ça me dérange pas vraiment. Ah, mais il est pas à Berry, là. Ouais, ça, c'est quand on est chez Tom. Ben ouais, c'est parce que là, un coup rendu, tu peux dire non aussi. Là, ouais. Ça t'oblige à rien, Tinder. Là. Ouais. C'est quand tu swipes à quoi? Excuse-moi, Bruno. Hein. Arrête de me regarder ouais. avec ses yeux, là. Donc, elle me dit haha, c'est flatteur, mais je suis majeur presque deux fois. Avec un petit. Ah, c'est flatteur, clin d'œil. Deux fois, elle a 19. Mais je suis majeur presque deux fois, clin d'œil. Et en effet, le FMA est une excellente occasion de satisfaire nos envies citadines. Oh. Quoique je dois avouer que l'Abitibi se développe de plus en plus au niveau culturel depuis quelques années. Donc voici une information que vous saviez peut-être pas à la et maison. Voilà. Selon L'Abitibi, Mélanie. Selon Mélanie, se développe sur le plan culturel vraiment beaucoup dans les dernières années. Je suis d'accord. On voit ça de loin. Là, ouais. Mais ouais, ouais. Donc, je lui parlais plus de mineur dans le sens de minerai, mais j'avoue que c'est toujours une bonne idée de clarifier ça aussi. Voilà. Donc, j'ajoute, fait que t'es en train de me dire que je pourrais venir vivre à Rouen et ne pas voir la différence avec Montréal. Combien les loyers ici? Cherche-t-on un coloc? Arrête, notre relation bouge beaucoup trop vite. T'es con. Donc là, elle me répond bien sûr, encore un homme qui a peur de l'engagement. évidemment. Voilà. Elle t'a répondu ça ouais. sur Tinder après une demi-heure qu'elle te connaît? Ben écoute, elle me faisait peur, là. Ben peut-être que c'est de devenir ma coloc et tout, là. Ok, je t'écoute. fait que là, elle me dit, pas au point de ne pas voir la différence, on parle de Montréal et Rouyn-Noranda. Mais j'ai fini par trouver presque tout ce qu'il fallait pour me satisfaire. Et pour répondre à ta question d'origine, je ne suis majeur et je ne travaille pas dans le domaine minier non plus. Donc, je lui réponds que j'étouffe. J'étouffe. Et après, j'ajoute, j'aime pas le son de ce presque. Je suis une personne qui a besoin de satisfaction totale parce qu'elle parlait du fait qu'elle était presque satisfaite. Elle a besoin d'une... Non, moi j'ai besoin d'une satisfaction totale. J'aime pas le son de ce presque-là. Là. Je trouve que c'est pas assez, moi. Tu mérites mieux. Je mérite mieux que presque satisfait. j'ajoute, c'est noté, je voulais juste vérifier par rapport au fait qu'elle était mineure ou pas. Alors, je vais supposer que tu es forgeron. Donc... Et là, on est rendu là. Et là, elle me répond, ça dépend ce que tu recherches. C'est sûr que si tu apprécies payer 1 500 $ de loyer, des heures de pointe, là, elle commence à chialer contre Montréal. Là, je commence à le prendre mal en tabarnak. C'est pas une bonne stratégie, ouais. là. Non, tu venais de dire que Montréal, c'était mieux, puis elle t'a pas vraiment écouté, là. Là, je vais pas dire c'est quoi son métier, parce que là, si je dis c'est quoi son métier, puis j'ai dit son vrai nom en plus, disons c'est que c'est ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas bûcheron non plus. OK. Voilà, donc ça, elle l'a précisé. OK. Mais elle m'a dit que j'aurais eu plus de chance avec bûcheron, et après ça, elle m'a donné son vrai métier, qui est un métier dans les sciences. Donc là, je lui ai dit que dans le fond, ses choix de carrière, ça faisait un dans les sciences, deux bûcheronnes, trois forgerons, quatre mineurs. C'est ça que j'ai compris, là. j'aime ça fait versatile, tu sais. Oui, oui. Donc... Et puis après ça, ouais, c'est ça. Puis après ça, vu qu'elle travaille dans les sciences, j'ai demandé si elle travaillait sur un sérum de super soldat. Pourquoi pas? Voilà. C'est très à la mode ces temps-ci. Ça serait cool. Mais là, elle dit que non, mais elle pourrait peut-être démarrer un laboratoire clandestin de stupéfiants. Paraît que ça pogne bien gros ici. Alors là, je lui dis, ah ouais, gros marché de drogue dure à Rouen. À Rouen, ben ouais. Ouais. Puis elle dit Val d'Or surtout. Je me suis rendu compte qu'elle était à Val d'Or et que Rouen était une autre information que vous savez peut-être pas et que Mélanie m'a transmise. C'est une ville de fonctionnaires, en fait. Ben oui, donc Rouen, c'est ben plus oui. tranquille. Oui. Que Val d'Or, qui est une ville de Pouel, c'est ça? Oui, de Redneck. Ah, c'est ça, OK. C'est plus, il y a plus de pick-up à Val d'Or par habitant et plus de permis d'alcool par habitant à Val d'Or, selon moi. Selon la vie. C'est la je sais. Tu dirais ça, là? De bord de danseuse. Ouais. Non, ouais, j'avance ça, je suis Mélanie dans ce dossier. Ah oui, OK, c'est bon. Donc, tu le sais, là. Non, ouais, Mélanie, c'est une source sûre. Ouais. Mais c'est quand même assez divertissant, ton histoire. J'ai hâte de voir demain. On vous rappelle, c'est Bruno Corbin sur Tinder. Tous ceux qui... Toutes celles, surtout. N'hésitez pas à aller swiper. Il faut qu'il meuble encore 3 autres shows. Ouais. En fait, je pense qu'effectivement, je vais suivre le conseil que Jean-Patrick m'a pas vraiment donné, mais que j'ai les pris. Hommes sont ouverts. Je vais débarrer les hommes sur Tinder aussi. Donc, si vous... J'ai souvent dit que j'étais entre 9 et 11% gay. Donc... Tentez votre chance, qui sait. Et Bruno a besoin d'une place où coucher. Aussi, en plus. Donc voilà, je les prends toutes. Merci beaucoup, Bruno. Ah, ça me fait plaisir. C'est un FME qui commence très bien. Vous êtes en train d'ailleurs d'écouter le premier 70% à l'antenne de CFME 91.9. Ça va nous amener vers une autre chanson que ben Jean-Patrick, oui. Tu nous l'introduis, celle-ci. Effectivement, ben, c'est les Jaguars, un groupe mythique qui a inventé pratiquement une façon de jouer de la guitare. Oui, on va le dire, c'est quoi? C'est le surf guitare. Le comme surf les Ventures, mais ça vient du lac Saint-Jean. Ça vient tout pas comme d'Haïti ou d'Hawaï ou de la Floride. Ça vient du lac Saint-Jean. Et ça porte un titre qui porte pas confusion. Là. Arvida, nous voilà. Et voilà. On écoute les ça. Les Jaguars. C'est un vieux classique québécois, puis on revient à 70%. C'est FME 91.9. Yahoo! Car je Le Père Noël. Vous serez content d'avoir magasiné là où les prix sont les plus bas à Distribution Consommateur. Si jamais vous trouvez ailleurs un article annoncé à prix plus bas, nous réduirons ce prix de 5%. Rabais de $30, robot boulanger Black & Decker pour pain de 1 livre et demi, 5 modes de cuisson et choix du degré de brunissement. Lampe flexible Snake Light de Black & Decker pour éclairer partout où vous voulez, seulement $33.98. Les prix les plus bas pour Noël et la promesse du 5%. D'accord, tout pour vous. La Sainte Cassette Audio. C'était ça. Avant que tu commences ta chronique, mon cher Bertium, Jean-Patrick, oui. J'aimerais juste mentionner le fait que c'était pas supposé être la pub de distribution aux consommateurs. Je voulais avoir la toune, moi, celle que tout le monde aime. Là. Ouais. Moi, j'en ai pour mon argent, c'est DAC. Je vais essayer de la trouver. Moi, j'en ai pour mon argent distribution aux consommateurs. Oh oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord, d'accord. Et voilà, donc je pense qu'on va leur avoir donné. On s'excuse pour pantoute. Ça nous fait plaisir plutôt. Jean-Patrick, oui, de quoi qu'on parle ce soir? Ben, moi, au départ, tu sais, je voulais parler de quelque chose qui m'impressionne énormément, c'est Rob Ford. Mais bon, tu m'as expliqué qu'on est au FME, puis il faudrait peut-être parler de plus régional. Je me suis dit, ben, t'as bien raison. Alors, je me suis mis à chercher. Et là, ben, j'ai vu que Kristen Moore avait dit quelque chose d'intéressant, parce qu'au départ, ben, je cherchais des candidats rhinocéros. J'ai malheureusement pas réussi à trouver exactement les slogans de l'époque, fait que j'ai pas ça là, mais je vais l'avoir d'ici la fin des émissions. Ben oui. Mais bref, donc, Kristen Moore a dit quelque chose comme « Il faut colisser un peu dehors ou crisser un peu dehors. » Puis là, c'est excusant. Non, là, c'est assez récent, ça. Oui, c'est très récent. Puis ça, c'est qui, elle? Ça? Kristen Moore, ben, c'est la députée du NPD. Ah oui, elle est super cool. Là, oui, oui, oui. Et donc, ben, c'est ça. Moi, je commençais à chercher les mots intéressants de députés ici, les affaires le fun. Et là, je tombe sur Camille Sanson. Moi, je savais que c'était un rigolo, mais je savais pas qu'il venait d'ici. Et voilà. Ah, moi, ça m'a fait vraiment du bien de savoir que je pouvais élaborer sur ce gars-là. Pour vous le placer, je vais vous faire un topo demain, parce que là, j'ai pas ma feuille devant moi. Non. Il faut quand même parce que c'est pas pour aujourd'hui, c'est exactement pour demain, c'est ça. Mais c'est un politicien, bref, qui était dans un parti politique que pré-rhinocéros, on pourrait appeler ça comme ça. Les créditistes, écoute, c'était assez comique. Le problème, c'est qu'ils se prennent au sérieux. C'est juste ça le problème, mais ils étaient comme ça. C'est aussi drôle que ce que nous, on fait oui, présentement. Oui, peut-être mais même plus. Eux, c'était au sérieux. Genre. Ah oui, puis ouais. Écoute, je suis allé chercher plusieurs extraits. Là, j'en ai un précisément pour vous. Je vous le place avant qu'on l'écoute. Alors, ils sont dans une espèce de réunion de créditistes, je présume. Et ça a été filmé en plus, parce que c'était un extrait sur YouTube, on peut le retrouver. Et Camille Sanson, donc, nous explique à l'époque, parce qu'on est en pleine révolution tranquille, il nous explique à quel point c'est dangereux ce qui se passait à cette époque-là au Québec, à savoir que on sortait littéralement quelque chose c'était grave pour lui là, la religion des écoles. Il trouvait ça aberrant. C'est dégueulasse. Alors c'est un peu ces arguments que je vais vous faire écouter et remarquez bien hein, parce qu'il définit très très bien la grande menace là. Ce sont des petits professeurs barbus et c'est sa propre phrase. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors tu peux démarrer le clip. Ça c'est pas lui, ça va être lui après. Que nous avons dans la plupart de ces mêmes régionales, peut-être un trop grand nombre de petits professeurs français au pinch taillot ciseaux. Ils sont en train de déconfessionnaliser le système d'éducation dans notre province. De plus en plus, on sort le bon Dieu des écoles dans notre province de Québec pour entrer des petits professeurs barbus, comme le disait tantôt mon bon ami Drolet, des gars qui sont des athées des dans athées. La plupart des cas. Mental, hein? On rentre ça dans les écoles, toi. Les professeurs. T'es cœur, hein? Zaté. Les professeurs zatés, hein? Mais c'est pas fini. Écoute ça. Puis on entre le sexe. Le sexe, man. Vous avez entendu parler de ça, c'est même dans le journal. Il paraît qu'ils font des parties maintenant, tard le soir. Hein, des jeunes gens et des jeunes filles. Ben ouais, dans la même piscine. Hey. Et puis il paraît qu'ils sont pas habillés avec des côtes de poêle, mais ils sont plutôt à poêle. Merci. Hein? Hein? Hey. On sort le bon Dieu des écoles. On entre le sexe. Le sexe. On sort le bon Dieu des écoles. On entre la drogue. La drogue. Et ça résulte que dans certaines institutions de notre province de Québec, il y a eu des suicides dus à la drogue. Ah, c'est aussi clair que ça. Hein, c'est apprécié, c'est de l'amalgame de toute beauté. Mais tu sais, regarde, c'est parce que on a sorti le bon Dieu, on a rentré des petits professeurs barbus, qu'il y a des jeunes qui ont pris de la drogue, qui sont suicidés. Regarde, voilà. Le lien est d'une logique pure. Moi, devant une démagogie aussi claire, moi, j'ai pas de problème. Au moins, elle est claire, celle-là. Ouais, c'est presque calé. Mais là, écoute, moi, en tout cas, je le trouve vraiment fantastique. C'est quand même assez particulier. Là, oui. Ça date de quelles années, ça? 1960, à peu près, dans les années 60. OK, hey, ça fait 50 ans, puis ben, dans le temps, là, c'est ça. Hey, t'es à l'école, au cégep, toi, pas question que t'ailles du sexe, imagine, voyons, c'est la seule affaire à laquelle tu penses tout le temps. On avait avant ça, mais comment? Non, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, je me dis, à quelque part, dans le fond, il nous l'a annoncé que ça valait la peine, tu sais. Enfin, on sort le bon Dieu, regarde qu'est-ce qui est rentré, des professeurs, le sexe puis la drogue. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un avancement de la société à date. Oui. Puis, je veux dire, athée dans les écoles, on s'entend-tu que c'est... En tout cas, c'est comme rendu un programme national qui dit tu parles. Non, mais ça, la Bible, là, c'est pas de l'histoire, ça. Oui, mais au même titre. Ça n'a pas été prouvé autres. Par le Coran. Oui, il me semble que oui. Non, mais moi, je crois au gore, hein. C'est dans au un. Ben oui, le. C'est dans un livre, ça aussi. Okay, la tribu de Gore, le G.O.R. Ouais. Non. Augur, si tu préfères, dans une. Cetologie, en tout cas, c'est quoi, c'est du c'est du non, fan fiction. Potter, ah, ok, Hogwarts. Ok, ouais, Hogwarts. Ah, okay, ben, non, ben. Moi j'y crois, tu sais, parce que c'est écrit dans un livre. Je pensais que c'était comme du fan fiction de la Bible. Là, non, je parlais, je trouvais ça vraiment un tag team de Élie avec Isaïe. Mais t'as déjà des bonnes pierres dans ses bras. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est pas mal ça, mais demain je vous expliquerai parce qu'il y a aussi juste d'expliquer. Qu'est-ce que c'est le créditisme? Écoute, sérieusement, on aurait pu s'inspirer le Parti rhinocéros de ça. Si tu me permets, Camille Sanson, C-A-M-I-L, ouais. Espace Sanson, S-A-M-S-O-N. Exact. Faites des recherches. C'est, ah oui, c'est vraiment un capoté. Là. Lui, c'était comme la version politicien de Raoul Duguay, qui est un poète qui échappait des affaires dans les escaliers pour faire du beat. Mais qui dit des affaires aussi niaiseuses que du M, tu sais. Lui, je l'aime c'est... pas. Non, c'est ça. Moi, je suis content de le dire d'ailleurs sur les ondes RTN. Ça va se rendre partout dans l'univers. Ouais. Souhaitons et lui. On diffuse, je n'aime vraiment pas. Éric Duhem? Ouais, ah ouais, t'as de la misère avec? Toi, t'es un des rares. Ah ouais, c'est toi le gars qui a de la misère avec. Toi. Camille Sanson, là, c'est lui qui avait fait un beau duo avec Sylvain Noël, qui était en... comment il s'appelle? « Si je pleure dans la pluie, tu me verras que... » Je pense pas que c'était Camille Sanson. Non, non, non, mais j'ai Noël, une chanson que vous allez entendre. Mario Pelcha? Ouais, ouais, non. C'était-tu avec Camille Sanson? Non, c'était pas avec Camille Sanson. Non, non, non, je pense pas. Je pense que Camille Sanson mais j'ai une chanson que nous écouterons à la troisième émission. Et donc, il nous chante une chanson de Noël. Donc, toi, ta chronique, ça va être... Chaque soir, on va avoir une partie de Camille Sanson. Toujours, sa toujours. Vie, l'homme, donc, la vie, le rêve. Et un peu comme le Tinder, moi, je vais être le raciste... je sais pas comment... T'es pas obligé de parler de Tinder. Non, non, mais ce que je veux dire, je parlerai pas de Tinder, mais moi, je vais faire un peu comme ça, mais faudrait que je parte d'une app qui dit « Voulez-vous devenir Rhino? » Ah, ben, OK, puis oui. Je vais chercher du Rhino aussi. Je vais essayer de vous en ramener un qui voudrait se présenter. Ça, en fait, Jean-Patrick, qu'on va écouter une petite chanson. C'est Wayne Scott, Rambo. Ah. C'est quelque chose qui nous vient d'un sosie de Sylvester Stallone. Ah. Et il a écrit une espèce de tune vraiment magique, et ça faisait longtemps que je voulais la mettre sur les ondes RTN. Comme ça, la toune va s'en aller de la planète Terre et pourra être captée. Si jamais on la perd, on va pouvoir aller plus loin et regarder vers la Terre et capter les ondes qui vont passer. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est Wayne Scott Rambo. Puis au retour, on va parler un petit peu avec Élise. Puis on va finir, on va parler du Parti Rhinocéros, au sein duquel moi et mon bon chum Jean-Patrick, on travaille fort. Très content d'être à Rouen avec vous pour le CFME. Vous écoutez 91.9. Mon nom, c'est Tommy Godette. Puis écoutez ça. Wayne Scott, les clips sont sublimes sur Internet. Yeah, à tantôt. Makes me scream. Oh. c'était pas bon ça. En fait, je vous laisse avec une autre chanson avant de revenir en studio. Nous, à douteux.org, on est contre la douleur provoquée par les escaliers. Il faut faire attention dans les escaliers. Et ici, on a nos deux collaboratrices qui vont venir demain, qui font leur chanson. Ça s'appelle « Faire attention dans les escaliers, ça marche ». On vous revient en studio. Les escaliers ne sont pas nos alliés. Il faut même s'en méfier, je te dis. Faut pas sous-estimer. Si leur première fonction est dépassée, les plafonds, elles sont l'âme de fond de la destruction. Le mode marche en prévention. Ménage et relève le défi. Ménage fais-toi sans des amis. Ménage relève le défi. Prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah, et on garde pied. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et me garde hors de danger. Prévention. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah. Come on, vas-y René. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Et je garde pied. Faire attention dans les escaliers, ça marche. Yeah, come on, le mode marche en prévention. Yeah, René, pour la prévention. Yes, ça rock ça comme entrée. Ben, je te jure, c'est notre thème pour les chroniqueurs invités. Toi, c'est la première fois que tu es une collaboratrice précieuse de 70% depuis presque un an maintenant. Et quand même. Voilà, tu restes une chroniqueuse invitée. On est très content de t'avoir avec nous. Je suis très content d'être là aussi, moi. Ben oui, on vient de faire quoi? 8h, 9h de char? Pas mal. On est pas, pas mal plus capable de se voir et pourtant, on fait un show de radio ensemble. On essaye de faire ensemble qu'on s'aime encore. Oui, on couche pas dans la même. Attends à l'heure, c'est toi qui couches à côté de Bruno. Fais attention de rester ta bouche bien en avant du micro, mon Jean-Patrick. Ouais, je voulais dire merci en plus. On a écouté les deux folles et un banjo. C'est vraiment le fun. Ils s'en viennent faire un beau petit show ici en fin de semaine dans la ruelle en arrière. Oui. C'est intéressant. Manquez surtout pas ça. C'est deux belles et bonnes artistes d'ici, dans le fond. Ben, d'un petit peu partout. Là, ils se promènent terroir, tout le temps. Ouais, exactement. C'est plus des Montréalaises, mais bon, hein, on est au Festival de musique émergente. C'est très émergent. Témiscamingue. Donc là, on vous fait découvrir quelque chose d'émergent. Les deux folles sont sur Facebook et ils ont aussi un album. C'est très, très joyeux. Je crois qu'ils vont en avoir avec et eux. Weird. Oui. Ils vont en avoir des copies aussi avec elles pour en vendre puis pendant juste après, la il va y avoir un show de Dr. V. Il n'y a pas un vidéo avec toi dedans qui mange des chips. Ça, je vous conseille de voir le pain blanc. Vidéo pain blanc. Vraiment, là, c'est un clip impeccable. Ils ont sorti un autre clip lundi dernier, dans le fond, au Brouhaha. En direct à notre spectacle de 70%. Oui. Et en plus, Andy joue dedans. Il fait un beau langage signé. Andy qui va être là demain. Lui, ses parents sont sourds. Donc, il a appris le langage signé pour se faire engueuler. Mais c'est du vrai langage. C'est vraiment lui. Je pensais qu'il mettait le gars à mordre. Non, il sait vraiment le parler pour vrai. C'est juste que... c'est ça. Il parle tout pareil, ce monde-là. C'est ça que tu es en train de dire? Non, mais... Il m'a fait un signe que j'avais pas compris. Puis sinon, Élise, de quoi tu veux nous parler? Je veux raconter un petit peu le beau pèlerinage qu'on a fait dans la Rhinocéros Mobile pour s'en venir. On était une belle grosse gang dans la Rhinocéros Mobile. 8. Un petit peu... Non, pas pantoute tassée. Dans le fond, on était vraiment bien. C'était le fun. C'est excellent comme van, ça, pour faire des road trips. C'est assez magique. Je suis en masse dans mon jacuzzi. Ouais, Chris, oui. Venez voir, Bruno va vous faire des rides. On a commencé le beau pèlerinage en partant ce matin vers environ... on a sorti à peu près à 9h de la ville. On s'est envenu tranquillement sur la route. On a fait un bel arrêt. C'est à Sullivan. Si vous passez par Sullivan... je vous garantis, arrêtez de manger le hamburger spécial de la frite du village, c'est magique. Je pense qu'à chaque fois depuis l'année passée, à toutes les fois que je monte en Abitibi, que je viens faire un tour avec Tom sur la route, on arrête tout le temps là, c'est rendu notre snack bar préféré. Ah ouais, ben moi je l'aime beaucoup, la frite du village. Moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié le McDonald's de Mont-Laurier là. c'est vraiment là moi que je dirais qui était mon highlight là de. Ton highlight, là, ben c'est un McDonald's qui a gagné un prix de plus beau McDonald's. Des plus beaux McDonald's, c'est ça, en 1998. Moi, faut que je dise merci à ce McDonald's-là parce que je me suis branché sur Internet, j'ai rien acheté. Mais pourquoi qu'on finit par parler de McDonald's? Hey, vous êtes aller chez. Hey, on devrait aller chez McDonald's après le show, je pense. non, au site, c'est Maurras. Ben oui, c'est bien mieux aller au Maurras, c'est ça. Ça commence par M, c'est la même affaire. C'est mieux le Maurras, voyons, aussi, là. J'aime ça attendre 8h à 4h du matin pour ma poutine, moi. Ben oui, il faut tout essayer, puis on verra ce qu'on a essayé le moins. Puis je pense qu'on est pas mal d'accord. C'est vrai qu'ils ont des VIP, hein, des Very Important Poutine. Ben oui, tout le temps. Puis quand même, 9 heures de char, est-ce que t'as appris quelque chose en chemin? Le parc, il est long. On est-tu encore dans le parc, Bruno? Je sais pas. T'es sûr? T'as abandonné, toi. Je sais plus. Oh, mais gars, il y a de la nature, le là. Le parc, y a c'est pas plante. Une place, c'est un état d'âme. Eh hey boy, ouais. Vu de même, je pense que c'est un point. Dit, c'est bien résumé. Sinon, ça boucle ton... Ben, ça va bien, là. On a bien du fun. On est là pour se faire du fun aussi, ici, avec vous autres. Puis si vous avez... Si vous êtes un band, en fait, ici, puis que ça vous tente un jour de venir nous voir à Montréal à 70%, gênez-vous pas pour venir me dire un petit bonjour. Toi, t'es en recherche même de venir jouer ici, live. Ben oui. On est tous aussi. Oui. Venez nous voir. Venez voir comment Bruno, il est sur Tinder. Hey, il y a quelqu'un Tinder, qui là. Comptait avec ses doigts, nous quatre. Ouais. Oui, on est quatre. Il était pas sûr qu'on comptait. On va peut-être être cinq demain, mais à date, on est quatre. Bon, ben, merci beaucoup, Élise. Avec plaisir. Je pense qu'on va écouter une autre petite chanson. Voilà, ça va nous permettre de débouler tranquillement vers la fin de l'émission. On écoute ici quelque chose, ça vient... Ah ben, Antoine Denis. Ah, sapristi, hein? Plein d'amis. On va écouter, c'est une chanson qui vient de Cheesecake Ninja. C'est des instrumentalistes capotés, là, ils font ça dehors à moins 30. Ah, ils sont capotés. Ils sont capotés, des capotés comme ça, ah, c'est capoté. Ils sont capotés. Vous écoutez 70% capoté. Sur les ondes de CFME 91.9. Capoté. Thank you. la. Oui, toujours Tommy Godette au micro avec Bruno Corbin, Jean-Patrick Bertillon et Élise Laflamme-Méon. On est en train de terminer ce premier 70% pour le FME. Ça veut dire qu'il nous en reste encore trois. On a des nouvelles de Bruno sur Tinder. Allez le rejoindre, Bruno Corbin sur Tinder. C'est juste Bruno, en fait. Juste Bruno. Il vient de Montréal. Voilà. Il aime, pas compliqué. Je viens de Montréal. Je suis à Rouyn-Noranda pour le FME. Et dans ma description, je dis que j'aime les personnes, les endroits et les choses. Et les choses. Voilà. Wow. Manquez pas ça, mesdames. En passant, Roxane, tu vois, j'ai presque fini ta bouteille, mais tu vois, j'ai laissé une dernière petite gorgée qui est, en fait, la bouteille était exactement à la moitié quand je l'ai pris. Donc, j'ose imaginer qu'il y a la moitié de ma salive et la moitié de sa salive là-dedans. Wow. Donc, puis ça va vivre ensemble pour toujours. Pour devenir quelque chose. Peut-être. Tu y crois, hein? Ouais. Oui, Jean-Patrick, merci beaucoup. On a appris sur Camille Sanson, un héros abitibien. On a juste commencé à creuser. Et voilà, on va avoir encore trois autres chroniques là-dessus. J'ai bien hâte de voir ça. Élise, on travaillera là-dessus demain pour nous ramener des petites nouvelles qu'on a vues en chemin. Sinon, il y a Sébastien qui me parle. Est-ce qu'il va... Non, mais là, tu gâches un punch, là. C'est quoi qui... OK. il est en train de parler de En fait, c'est dans ton salon, l'émission qui nous suit. Richard Leblanc, Sébastien Pilon, Antoine Denis. Aïe, Antoine Denis, c'est incroyable. je pensais qu'il ne laissait même plus sortir de chez eux. Et Sébastien Tessier. Ils vont prendre le contrôle juste après le 70% que vous êtes en train d'écouter. Là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On est à 91.9, c'est le FME. À partir de... Dans quelques instants, je vais pouvoir aller consacrer toute mon énergie à être de moins en moins à jeun jusqu'à boire demain 20h pour en revenir ici. Fait que là-dessus, je laisse le contrôle à Vincent. Merci Vincent. CFME 91.9 FM, la radio du Festival de musique émergente. Mercia, Monceau et Perron, Production Balbuzard, Mascarade, Plastique G+, et Arcade, pour leur généreux soutien à l'événement. Ne manquez pas Asphalte et Transistor sur les ondes de la radio du Festival de musique émergente. Du 3 au 6 septembre, visitez le radio.fmeat.org ou syntonisez le 91.9 FM à Rouyn-Noranda. Le FME tient à remercier ses partenaires gouvernementaux. La Ville de Rouyn-Noranda, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Musique Action et Factor. La musique est un amour, CFME 91.9 FM est disponible sur le web. radio.fmeat.org pour être à l'écoute partout où vous le voulez, sur ordinateur ou appareil intelligent. C'est dans un décor réalisé avec des matériaux recyclés que le FME accueille les festivaliers. Cette initiative verte est rendue possible grâce à la collaboration de la Fonderie Orne. Pensez-vous aussi à recycler, et ce, même durant le festival. La Fonderie Orne, partenaire vert du FME. Le Festival de musique émergente remercie ses partenaires médias, Énergie, Télé-Québec, RNC Média, Québecor, Urbania, CISM et TC Média. Intérieur, c'est la découverte de l'Abitibi-Témiscamingue par Thibault, avec un thème différent à chaque jour, traité d'une multitude de façons. Des chroniques, des entrevues, des paires musicales régionales et beaucoup d'informations inutiles, quoique fascinantes. Futur Intérieur, c'est tous les jours du FME à 14h sur les ondes de CFME 91.9, la radio du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Capital Rock, partenaire du festival, vous invite au show de fin de soirée dès minuit tous les soirs du FME. Assistez aux performances de Ropopo Rose, Eat, The Flintstones, Marie-Pierre Arthur, Feisty, Pérégrine Les Phases, Galaxy, Puts Mary, Crushed Out et les Marinellis. Pour plus de détails. Consultez la programmation des fins de soirée Capital Rock au fmeat.org. Énergie vous invite à la nuit électro le 5 septembre prochain. Les couche-tards seront bien servis avec Molly, Das Mortal et iFace. Un rendez-vous pour les amateurs comme pour les initiés de musique électro au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 2h du matin. Rise above.